Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Dieu crée la lumière. La lumière créée avant le soleil, contradiction apparente, critique de Celse et de Voltaire, deux systèmes en présence, celui de Newton et celui de Descartes, Moïse était dans le vrai, hypothèses diverses, aurore boréale, question difficile, le livre de Job. Nous venons de dire quel débat a provoqué l'interprétation du mot jour. Nous allons voir des débats analogues se reproduire à propos du mot lumière. Rappelons d'abord le texte même de la Bible. Dieu dit, que la lumière soit faite, et la lumière fut faite. Et du soir au matin se fit le premier jour. Or le soleil n'existait pas encore, puisque c'est seulement le quatrième jour qu'il fut créé. En effet, on lit dans la Bible, Dieu dit, que des corps lumineux soient faits dans le firmament du ciel, et du soir au matin se fit le quatrième jour. Voilà deux textes qui, rapprochés l'un de l'autre, semblent se contredire. Déjà Celse trouvait étrange que Moïse parlât de jour avant l'existence du soleil. Ce que Celse trouvait étrange, Voltaire le trouvait ridicule. Comment, s'écrit-il, Dieu a-t-il pu créer la lumière avant le soleil, l'effet avant la cause, la conséquence avant le principe? Inclinons-nous devant le surnaturel. Non, ce n'est pas devant le surnaturel, ici du moins, qu'il faut nous incliner, c'est devant la science. Laissons-la donc parler. Deux systèmes ont été en présence jusqu'à nos jours, pour expliquer la source de la lumière. D'après le premier, qui appartient à Newton, la lumière est émise par les corps lumineux eux-mêmes, c'est la théorie d'émission. Le second, ou théorie des ondulations, qui revient à Descartes, nous enseigne que tous les mondes baignent dans l'éther répandu dans l'espace, c'est cet éther qui entre en vibration au plus léger mouvement imprimé, et dont l'agitation produit la lumière. Les Young, les Fernel, ont donné, par leurs intéressants travaux, leur sanction à ce dernier système, et les expériences d'Arago, à l'aide des vers de Gambet, le mettent à l'abri de toute contestation. Il est donc établi aujourd'hui que la lumière ne nous vient pas des astres, qu'elle en est indépendante, qu'elle existe dans l'atmosphère comme le fluide électrique existe dans les corps, et qu'elle n'a besoin, comme l'électricité, que d'être excitée pour frapper nos organes. Ce sont les corps que nous appelons lumineux qui ont reçu la propriété d'exciter la lumière, mais qui ne la fournissent pas. Moïse était donc parfaitement dans le vrai lorsqu'il a dit que la création de la lumière destinée à donner à la nature l'animation et la vie a été antérieure à la lumière solaire. Celle-ci a eu surtout pour objet, ainsi qu'il nous l'apprend, de diviser le jour de la nuit et de servir de signe pour marquer les jours, les temps et les années. Aussi remarquez qu'il ne dit nulle part que la lumière de la première époque ait eu une connexion quelconque avec celle du soleil. Il y a plus, le mot avort par lequel il la désigne, qu'on a traduit par « lumière », réveille tout aussi bien l'idée de calorique ou de tout autre fluide s'échappant par effluve. C'est la raison pour laquelle Schubert s'est cru autorisé à émettre l'opinion que voici. Peut-être les phénomènes de lumière polarisée que nous nommons, aurore boréale, ne sont-ils que de tardifs crépuscules, faibles restes de cette lumière vive et chaude que les forces électrochimiques de la Terre produisirent, Selon la Bible, au premier jour de la création, avec un degré d'intensité de calories que ses forces affaiblies ont perdu. J'ajouterai, à l'appui de la théorie de Schubert, que les admirables découvertes de Kirchhoff, sur la nature de la matière électrique, prouvent que la Terre a pu posséder une lumière propre. On ne saurait méconnaître, cependant, que les questions qui se rattachent ainsi à l'origine et au siège de la lumière soulèvent parfois les plus graves difficultés. Ces difficultés, Dieu les a signalées lui-même. Ainsi, on lit dans le livre de Job, 38, 19, « Dis-moi où habite la lumière, et quel est son mode de propagation ?» Si réellement la lumière eût été une simple émanation du soleil, Dieu y aurait-il tenu à Job un semblable langage? Dieu organise le monde. L'Esprit de Dieu était porté sur les eaux, le mot couvait offre un sens plus exact. Monseigneur Maignan, la formation de notre planète exigea deux temps, de quoi chaque temps se composa. Bacon silence de Moïse sur certains détails. Maintenant que Dieu a créé la lumière, elle va éclairer les divers actes par lesquels sa toute-puissance fera sortir l'univers du chaos. J'avoue que j'aurais bien besoin qu'un rayon de cette lumière vînt également éclairer mon esprit, afin de m'aider à comprendre et à expliquer ces splendides opérations. Heureusement Moïse va continuer d'être pour nous le meilleur et le plus infaillible des guides. Voici comment il s'exprime. L'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Ces quelques mots nous préparent aux grands événements qui vont s'accomplir. Au-dessus en effet de cette mer de feu qui représentait alors les éléments multiples et confus de l'univers, planait comme un souffle divin, lequel allait bientôt pénétrer la matière, lui imprimer ses mouvements et lui communiquer la vie. Et encore le verbe hébreu qu'on a traduit par feu rabatture, était porté, a-t-il un sens plus étendu et plus profond, il signifie, couvait. On aurait donc dû dire, l'Esprit de Dieu couvait les eaux. De là cette remarque judicieuse d'un éminent évoque et savant géologue, Monseigneur Maignan. Le travail mystérieux de l'Esprit Créateur, principe de toute vie, suivant l'expression du psalmiste, nous est représenté ici par la figure de l'incubation. Mais enfin voici le moment arrivé, moment solennel entre tous, où Dieu va former notre planète. D'après Moïse, l'œuvre exigea deux temps. Dans le premier, Dieu dit que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu donna au firmament le nom de ciel. Dans le second, Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu et que l'élément aride disparaisse. Dieu donna à l'élément aride le nom de terre, et il appela mer, toutes ces eaux rassemblées. Ainsi donc Dieu commença d'abord par débrouiller le chaos, en séparant de la masse cosmique les mondes qui devaient peupler l'espace, puis il travailla et distribua la matière qui devait constituer notre planète. Cette série d'opérations a inspiré à Bacon cette belle et profonde observation. Dans les œuvres de la création, nous voyons une double émanation de la vertu ou force divine, dont l'une se rapporte à la puissance et l'autre à la sagesse. La première se fait particulièrement remarquer dans la création de la matière, et la seconde dans la beauté de la forme dont la matière fut ensuite revêtue. Telle est en effet l'impression qui ressort de la description donnée par Moïse de l'ordonnance de l'univers. Seulement l'historien sacré s'en tient à cet exposé général, et il aborde ensuite la création des divers êtres destinés à peupler notre planète, sans indiquer autrement les modifications que celle-ci dut subir pour devenir habitable. C'est que ce dernier point est bien plutôt de la science que de l'histoire. Aussi est-ce à la science qu'il nous faut maintenant nous adresser pour interpréter dans la mesure du possible le silence de Moïse. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica VNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.